إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 61 aujourd'hui dans la lecture du livre Aqidatu Ahli Sunnah du Sheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala avec son sharh de ce livre et on est arrivé donc à une autre partie dans le premier rukun parmi les six arkan al-iman c'est à propos donc de la foi en Allah et du tawhid et des attributs d'Allah et de ses noms et on a terminé la partie précédente. Maintenant le cheikh il va clarifier certaines règles, certains points qui ont rapport avec la foi en les noms et les attributs d'Allah et faire un résumé de ça. Donc il dit وكل ما ذكرناه من صفات الله تفصيلا وإجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. Donc il dit le cheikh ici que tout ce qu'on a mentionné comme attribut d'Allah, que ce soit de façon détaillée ou de façon générale, que ce soit à l'affirmative ou à la négative, l'affirmation ou la négation, eh bien, on se base sur tout ça selon le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il explique maintenant ce point-là. Il dit, قوله وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون. مثال التفصيل ما ذكره الله تعالى في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كلها اشتملت على أسماء تفصيلية مفصلة فيها الصفات مفصلة فيها الصفات وما ذكر إجمالا مثل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وهنا أجمله فلم يعد اسما واسما فلم يعد اسما واسما واسما ثم قال ولله الأسماء الحسنى وكذلك في الصفات منها ما يذكر إجمالا مثل قوله تعالى ولله المثل الأعلى أو الوصف الأكمل ومنها ما يذكر تفصيلا فكل ذلك الذي ذكرناه على كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون لأنهما أصل الأدلة فلا دليل أقوى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل دليل سواهما إن انبنى عليهما فهو حق وهو منهما وإن خالفهما فهو باطل. Donc le cheikh il commence ici par expliquer qu'est-ce qu'il veut dire par ce qu'il a mentionné dans ce livre jusqu'à maintenant comme attribut d'Allah de façon détaillée ou de façon générale. Il explique que c'est l'exemple de ce qui est mentionné de façon détaillée, c'est ce qui est mentionné dans Surat al-Hashr, le verset 22 à 24. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala énumère une série de noms parmi ces noms. Et donc il mentionne dans les derniers versets de Surat al-Hashr, hein, plusieurs de ces noms. Et parmi les exemples qu'il a mentionnés, les versets dans lesquels il dit « C'est lui Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. » Alimul ghaibi wa shahada, celui qui a la connaissance du visible et de ce qui est invisible et de ce qui est visible, hein, c'est lui le tout miséricordieux, Ar-Rahman, et le très miséricordieux, Ar-Rahim. C'est lui, hein, hu Allah, c'est lui qui est Allah. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Al-Malikul Quddus Al-Salam, hein, le souverain, c'est-à-dire le roi. Al-Quddus, le pur, Al-Salam, l'apaisant, la source de toute paix, de tranquillité, de sécurité, et ainsi de suite. Le rassurant, Al-Mu'minu, hein, Al-Muhaymin, le prédominant, Al-Aziz, le tout-puissant, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qu'il lui associe. Hein, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est-à-dire, il est au-dessus de ce que les mushrikines lui ont donné comme associé, hein, parmi les idoles et autres. Il dit, « Hu Allah », c'est-à-dire, c'est lui Allah, « Al-Khaliqul Bari », le Créateur, celui qui crée toutes choses à partir de rien, « Al-Musawwir », celui qui donne à chaque chose sa forme. Alimul lahu al-asma'ul husna, à lui appartient les plus beaux noms. Yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Yani tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie, et c'est lui le puissant et le sage. Donc ça, c'est un exemple des noms qui sont mentionnés de façon détaillée. Et tout ce que ces noms-là peuvent également contenir comme signification et comme attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un exemple de ça. Également, qu'est-ce qu'il a mentionné de façon générale? Walillahi al-asma'ul husna. Donc ça, c'est une preuve des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est générale, puisque dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms. Donc ça implique tous les noms de perfection, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un verset, une règle générale, puisqu'il n'y a pas d'énumération de noms, hein, un après l'autre ici. Hein, c'est de façon générale, il dit, c'est à lui qu'appartient le plus beau nom. Et de même que les attributs aussi, il y a par exemple, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. C'est à Allah qu'appartient le meilleur exemple, le plus bel exemple. Donc c'est à lui que revient la description et l'attribut la plus parfaite. Donc ça fait partie aussi des mentions générales. Et il dit tout ce qu'on a mentionné dans le livre jusqu'à date, hein, et que tout ce qu'on a mentionné à propos des noms et des attributs d'Allah, c'est basé sur le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce sont les deux bases et les deux fondements des preuves dans la charia de l'islam. Et donc, il n'y a pas de preuve qui peut être plus solide et plus forte que le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et toute preuve en dehors de ces deux-là, eh bien, si elles sont basées sur les preuves du Coran et de la sunna, hein, si c'est des preuves extérieures au Coran et à la sunna, et qu'elles sont en accord avec le Coran et la sunna, et basées sur le Coran et la Sunna, alors dans ce cas-là, elles sont vraies et elles font partie du Coran et de la Sunna. Mais si elles sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, dans ce cas-là, elles sont fausses. Et il dit le Cheikh ensuite à propos de ça, il dit wa ala hadha yatabayyanu lana butlan madhhab al-ash'ari wal-mu'tazila wal-jahmiya li'annahu mabni 'ala al-'aql alladhi idda'u annahu 'aql وهو في الحقيقة ضلال وهو في الحقيقة ضلال وليس بعقل ولكنهم هم يرون أنه عقل وأنهم إنما يثبتون لله تعالى ما دل عليه العقل وما لا يدل عليه العقل فهو عندهم منتف عن الله عز وجل ولو كان مذكورا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون أصل التلقي للعقيدة الكتاب والسنة، ولهذا قال: وعلى كتاب ربنا وسنة نبينا معتمدون، فلا نعتمد على سواهما مما يذكر أنه عقل. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh dit: on peut comprendre par cela que la voix des Asha'ira, la secte des Asha'ira et des Mu'tazila et des Jahmiya, qui font partie de ceux qu'on appelle Ahlul Kalam, c'est-à-dire les gens qui prétendent se baser sur la raison ou la logique pour établir leur croyance et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, on peut comprendre que cette voix, elle est fausse. Leur voix, elle est fausse parce qu'elle est basée sur ce qu'ils prétendent être la raison. Hein? Et en réalité, c'est pas la raison, mais c'est de l'égarement. C'est pas de la raison. Il dit parce que, hein, c'est pas de la raison, c'est de l'égarement. Même si eux prétendent que ce sur quoi ils se basent, c'est la logique ou la raison, mais la réalité, c'est que c'est pas de la raison. Il dit eux, en réalité, ils ne font qu'affirmer à Allah ce qui est soi-disant prouvé par la logique. Hein? Et ce que la logique ne prouve pas, selon eux, ne doit pas être affirmé à propos d'Allah. Hein? Même si c'est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Donc, ça dit que si un nom ou un attribut est mentionné à propos d'Allah dans le Coran ou dans la Sunna authentique, eh bien, selon eux, ils ne doivent pas l'affirmer, excepté si la raison le prouve. Si la raison ne le prouve pas ou ne le supporte pas, eh bien, ils ne l'acceptent pas, même si c'est dans la révélation. Et donc ça, c'est la preuve que c'est une voie et une méthodologie qu'ils suivent qui est complètement erronée et fausse, et en contraire, en contradiction avec la religion d'Allah. Et donc, le cheikh, il dit, donc on peut comprendre que la base pour recevoir la aqidah et pour prendre notre aqidah dans l'islam, selon la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est de prendre selon le Coran et la Sunna. Hein? Et c'est pour ça que le Cheikh il dit on se base sur le livre de notre Seigneur et sur la Sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne se base pas sur autre chose que ça. Hein? Parmi ce que les gens, par exemple, prétendent être la raison. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe masdar al-talaqi, masdar al-talaqi, ou bien asl al-talaqi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la source de laquelle on prend pour recevoir notre aqida et pour prendre notre aqida. Donc notre référence de base, c'est-à-dire notre référence de base sur laquelle on se base pour établir notre croyance en islam, c'est pas la logique ou la philosophie ou la raison, comme les philosophes le prétendent, mais plutôt c'est la révélation, le livre d'Allah et la sunna du messager. Si Allah il dit qu'il a tel nom ou tel attribut, eh bien on doit l'affirmer obligatoirement. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah il a tel nom ou tel attribut, on doit l'affirmer, hein, obligatoirement. Que on considère que la raison l'accepte ou non, ça c'est pas une référence, parce que parfois peut-être que quelqu'un s'imagine que quelque chose est raisonnable ou logique, alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec la raison ni la logique. Ensuite, le cheikh dit « وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ الْعَقْلُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرَّبَّ لَا يَحْزَنْ لِكَمَالِ سُلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ فَنَنْفِي عَنْهُ الْحُزْنِ الجواب هذا حق دل عليه الكتاب والسنة لقوله تعالى ولله المثل الأعلى والحزن نقص فينا كما في مدلول هذه الآية فنقول لا تفرحوا علينا أنكم أنكرتم الحزن لأن العقل ينكره وإننا نقول لكم إن النص أنكره أيضا لأننا إذا قرأنا قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل لزم أن لا يحزن إذ لا يحزن إلا من كان ناقصا وإذا قالوا نحن لا نثبت الغضب لله لأن العقل ينكره قلنا هذا مردود لأن العقل يقتضيه فإن الغضب عند وجود سببه كمال ثم إن النص أتى به قال تعالى وغضب الله عليه في القاتل عمدا فكيف ننكره. Donc le cheikh il explique ici ensuite que si par exemple quelqu'un il disait parmi les gens de Kalam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si quelqu'un parmi les gens de Kalam il dit par exemple nous on nie que Allah soit triste ou qu'il ait comme attribut la tristesse. Pourquoi? À cause de sa puissance et de sa toute puissance et de sa force. Donc on ne peut pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala la tristesse. Le cheikh il répond et il dit ça c'est vrai, on ne peut pas affirmer à Allah la tristesse. Et il dit et ça c'est prouvé en même temps par le Coran et la Sunna, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset dans surat al-Nahl le verset 60 وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. C'est-à-dire que يعني Allah subhanahu wa ta'ala a le meilleur exemple, il a les attributs les plus parfaits. Donc la tristesse, on constate que c'est une sorte d'imperfection, une sorte de faiblesse, c'est un défaut. Et donc le cheikh il dit ne commencez pas à vous réjouir vis-à-vis de nous du fait que vous avez nié la tristesse à Allah, puisque vous dites c'est la raison qu'il l'a renié. Et nous on dit non, même le texte du Coran et de la Sunna a nié la tristesse aussi. Pourquoi? Parce qu'on regarde dans le verset وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui possède la description et les attributs les plus parfaits. Et donc ça implique que Allah ne va pas être triste et ne s'attriste pas, parce que la tristesse, ça ce n'est qu'un défaut, et on ne peut retrouver de la tristesse que chez celui qui est incomplet ou imparfait. Et donc si on dit nous, par exemple, si on prend un autre exemple, par exemple la colère, si les gens de Kalam ils viennent vers nous et ils disent mais nous on n'affirme pas non plus la colère à Allah, parce que la raison renie que Allah soit en colère ou qu'il ait la colère comme attribut, eh bien nous on va dire non, ça par contre c'est rejeté, on ne va pas nier la colère. Pourquoi? Parce que la raison implique qu'on affirme la colère à Allah. Et il dit que la colère, lorsqu'elle est présente à cause d'une cause justifiée, alors c'est une perfection. Si quelqu'un a une raison valable et a une cause qui fait en sorte qu'il soit en colère, alaykoum salam wa rahmatullah, alors dans ce cas-là, si la personne se met en colère pour cette raison-là, et pour cette cause-là, alors dans ce cas-là, c'est une perfection, c'est pas une imperfection, c'est pas un défaut. Si quelque chose le met en colère et qu'il se met en colère par rapport à cette chose-là, alors dans ce cas-là, c'est une perfection, c'est pas un défaut. Et le cheikh il dit en plus, Allah il l'a affirmé dans le texte, dans la révélation. C'est-à-dire quand on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même la colère. Et il a mentionné qu'il se mettait en colère. Par exemple, le verset 93 dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, et Allah se met en colère contre lui à propos de celui, par exemple, qui a fait un meurtre ou qui a tué quelqu'un intentionnellement et volontairement, alors on va, Allah se met en colère contre lui. Alors, comment quelqu'un pourrait nier la colère alors que Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé à propos de sa personne? Donc, le cheikh il dit ensuite, attendez juste un instant, j'ai un peu froid. J'ai un peu froid au pied. Bon, le cheikh il dit ensuite, wa wajhu kawn al-ghadab صفة كمال عند وجود السبب أنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام ولهذا لو أن الإنسان ضربه من هو أقوى منه فإنه يحزن ولا يغضب لأنه لا يستطيع أن ينتقم لنفسه فتجده يحزن ويبكي ويشتكي ولكن لو ضربه من دونه انتفخ عليه غضبا وانتقم منه لأنه قوي فالغضب عند وجود سببه كمال وليس بنقص ونحن نعلم أن الله لا يغضب إلا عندما يوجد موجب الغضب وعلى هذا فالعمدة فينا نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط فالعمدة فيما نثبته لله عز وجل أو ننفيه عنه شيئان فقط وهما الكتاب والسنة فما فيهما من أسماء الله وصفاته وجب علينا قبوله والإتيان به وما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا نفيه وما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم نظرنا إن كان صفة نقص نفيناه وهذا على القاعدة أن الله منزه عن النقص وإن لم نعلم أنه نقص وجب علينا أن نتوقف فلا ننفيه ولا نثبته. Donc le cheikh il dit le fait que on dit que la colère c'est un attribut de perfection lorsqu'il y a une cause pour cette colère, pourquoi? Parce que la colère indique la force et la puissance de la personne qui se met en colère et sa capacité de se venger de la personne qui lui a fait un tort ou qui lui a fait un mal. Et c'est pour cette raison-là que si quelqu'un, par exemple, quelqu'un l'a frappé, si quelqu'un te frappe et que toi tu es plus fort que la personne qui t'a frappé est plus forte que toi, quelqu'un te frappe et la personne qui t'a frappé elle est plus forte que toi, donc tu vas pas être capable de, tu t'es pas capable de te venger de cette personne, alors dans ce cas-là tu vas être triste, tu vas te plaindre, et tu vas pleurer, tandis que si la personne qui t'a frappé elle est plus faible que toi, et bien là tu vas être en colère et tu vas te venger de cette personne parce que tu as la capacité et tu as la force. Et donc la colère, lorsqu'il y a une cause, c'est une perfection et non pas une imperfection. Et nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va se mettre en colère que lorsqu'il y a une raison, une cause pour qu'il se mette en colère. Et donc la règle pour nous, par rapport aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ici, c'est qu'on affirme à Allah, dans la règle pour savoir ce qu'on affirme par rapport à Allah ou ce qu'on nie par rapport à Allah, eh bien c'est deux choses. C'est deux choses sur lesquelles on se base. Il n'y a pas d'autre. Il y a deux choses seulement sur lesquelles on se base pour affirmer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala ou nier quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux choses en question, c'est le Coran et la Sunna. C'est le Coran et la Sunna. Donc, il dit le cheikh, ce qu'il y a comme nom et comme attribut dans le Coran et dans la Sunna, eh bien on doit l'accepter. Hein? Ils croient en ça. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, ainsi que le messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est obligatoire pour nous de le nier aussi. Et ce sur quoi Allah et son messager se sont tus et qu'ils n'ont pas parlé, eh bien dans ce cas-là, on doit regarder si c'est une attribut d'imperfection ou de faiblesse, dans ce cas-là, on doit le nier. Hein? Selon la règle que Allah est purifié et exempt de toute imperfection et de tout défaut. Hein? Donc, si on ne sait pas est-ce que ça représente une imperfection ou non, ou un défaut ou non, on ne sait pas. Alors, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour nous de s'abstenir. Ça veut dire qu'on ne va pas nier et on ne va pas affirmer non plus. Si on ne sait pas qu'est-ce que ça représente, cet attribut. Est-ce que c'est une affirmation? Est-ce que c'est une perfection ou une imperfection? Si on ne sait pas, alors on s'abstient. Et on ne va pas l'affirmer, puis on ne va pas le nier. Ça, c'est la règle. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ » C'est-à-dire que le cheikh dit, on se base sur le Coran et la Sunna pour affirmer les noms et les attributs d'Allah, et on suit la voie que les salafs de la Ummah et les imams de la guidance ont suivi. Et les salafs de la Ummah, c'est les sahaba et les tabi'in, les élèves des sahaba, et les tabi'in, les élèves de leurs élèves, hein, et les imams de la guidance parmi les imams d'Ahl Sunnah et Al-Jama'a qui sont venus après eux. Eh bien, nous, on les suit sur leur chemin, sur leur méthodologie. Hein? On suit la même méthodologie qu'eux à ce sujet-là. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, à ce sujet, il dit, وَقَوْلُهُ وَعَلَى مَا سَارَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِهِمْ سَائِرُونَ. سلف الأمة هم القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم سلف الأمة قال وأئمة الهدى من بعدهم ولم يقل الأئمة من بعدهم لأن الأئمة من بعد السلف الصالح صاروا أئمة هدى وأئمة ضلال ونحن نتبع أئمة الهدى من بعدهم أما أئمة الضلال فما أكثرهم في هذه الأمة الإسلامية ونحن بريئون منهم ولكننا أتباع لأئمة الهدى لشيخ الزي. Donc les salafs de cette umma, ce sont les trois meilleures générations des musulmans. Ceux à propos desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, la meilleure génération c'est ma génération, puis celle qui vient après, puis celle qui vient après. Et donc ceux-là sont les salafs de la umma, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et les tabi'in. Et il dit, et après eux, il a dit, et les imams de la guidance après eux. Hein? Il n'a pas dit les imams après eux, il a dit les imams de la guidance après eux. C'est-à-dire après les salafs, as-salih, hein? Les imams, ils sont de deux catégories. Soit des imams de la guidance, ou soit des imams de l'égarement. Donc il y a des imams dans la guidance, il y a des imams dans l'égarement. Imam, ça veut dire guide. Hein, ça veut dire guide. Donc il y a des gens qui peuvent être des guides ou des chefs ou des références ou des, hein, ils peuvent être soit des gens de la guidance ou des gens de l'égarement. Nous devons uniquement suivre les imams de la guidance après les salafs, tandis que les imams de l'égarement, hein, comme ils sont nombreux dans la umma et nous sommes innocents d'eux, et il est de notre devoir de suivre uniquement les imams de la guidance et non les imams de l'égarement. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les salafs de la umma sont les trois premières générations. La génération des salafs, c'est les sahaba, les tabi'in et les tabi'in tabi'in, les trois premières générations de musulmans. Donc la première génération, c'est la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celle des sahaba, et celle qui vient après, c'est celle des tabi'in, les élèves des sahaba, ceux qui ont étudié avec eux, et celle qui vient après, c'est yani, les élèves des élèves des sahaba, les tabi'in. Et donc eux, puis ensuite il y a eu des imams, des grands imams, des grands savants. Mais il y en a parmi eux qui ont été dans la guidance, et il y en a peut-être parmi eux aussi qui ont été dans l'égarement. Et donc notre devoir, c'est de suivre uniquement ceux qui ont été dans la guidance. Et le cheikh il dit le cheikh il dit ensuite ولكن هل نحن أتباع لهم على الخطأ والصواب الجواب لا فما علمنا أنهم أخطأوا فيه سألنا الله لهم العفو وخالفناهم في خطأهم إلى الصواب. Donc le cheikh il dit, et est-ce que les imams, s'ils se sont trompés, est-ce qu'on les suit dans tout, dans ce qu'ils ont de position correcte et dans ce qu'ils font comme erreur? Le cheikh il dit non, non. Ce qu'on connaît comme étant erroné de leur position, et on sait qu'ils ont été dans l'erreur, on demande à Allah le pardon pour eux, et on les contredit dans leur erreur. Et on retourne à ce qui est correct comme position. Donc il n'y a pas dans la voie des salafs, et dans la position des salafs, l'idée qu'on a le droit de suivre la parole de quelqu'un aveuglément. Ou bien que tout ce qu'une personne dit est vrai, en dehors du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, parce que tout le monde, en dehors du messager, peuvent se tromper, peuvent faire des erreurs. Et donc les imams de l'islam et les ulamas de l'islam, il n'y en a pas un d'entre eux dont la parole elle est infaillible et dont la position est correcte dans tout et qu'on ne rejette rien de ce qu'il dit. C'est seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est comme ça. Le cheikh il dit ensuite wa nara وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. Et il dit, et nous considérons qu'il est obligatoire de prendre les textes du Coran et de la Sunna à ce sujet, c'est-à-dire à propos des noms et des attributs d'Allah dans leur sens apparent, et de les prendre dans la réalité de leur signification qui convient à Allah, c'est-à-dire dans le sens qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il explique ça, il dit wa qawluhu wa nara وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. المؤلف يتكلم بلسان أهل السنة وليس يتكلم بلسان نفسه ويعظم نفسه، فنقول ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك، أي فيما وصف الله به نفسه، وقوله حملها وحملها على حقيقتها اللائقة بالله، يعني أي وجوب حملها على حقيقتها اللائقة بالله. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le cheikh il dit wa wajhu ad-dilalati ala dhalik. Wa wajhu ad-dilalati ala hadha qawlu Allah tabaraka wa ta'ala. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ يعني صَيَّرْنَاهُ بِلِسَانِ الْعَرَبِ من أجل أن تفهموه. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون أو قليلا ما تذكرون. فأمرنا باتباعه على الفهم الذي تفهمه مقتضى اللغة العربية، لأن الله تعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان. وعلى هذا فإذا دل الكتاب والسنة على معنى نفهمه بمقتضى اللغة العربية وجب علينا أن نتبعه. Donc le Cheikh il dit, nous voyons l'obligation de prendre les textes du Coran et de la Sunna dans leur sens apparent et de les prendre dans leur sens réel qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, il parle ici, hein, l'auteur, il parle la langue arabe, hein, et il dit, ici, on parle, hein, dans, selon la langue de Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, et non pas la langue de, wa laysa yatakallamu bi lisani nafsihi. Donc il ne parle pas de lui-même là, hein, quand il dit wanara, hein, il ne parle pas de lui-même, il n'essaie pas de s'élever lui-même ou de s'agrandir lui-même, mais il parle des gens de la sunna. Quand il dit wanara, il parle des gens de la sunna en entier. Tous les ulama et tous les imams et tous les salafs de Ahlus Sunna, ils prennent le sens apparent des textes du Coran et de la sunna au sujet d'Allah et au sujet de ses noms et de ses attributs, et ils les prennent dans leur sens réel, ces attributs-là. Ils vont pas essayer de les interpréter ou de déformer leur sens pour leur donner une autre signification allégorique ou bien de déformer leur sens réel, non. Et donc le Cheikh il dit فيما وصف الله نفسه, donc on se base sur le Coran et la Sunna et on prend le sens apparent de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. Les salafs ils disaient amirruha kama ja'at bila kayf, amirruha kama ja'at bila kayf, c'est-à-dire prenez les textes tels qu'ils sont dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah, prenez-les tels quels sans chercher à savoir le comment des attributs, hein, bila kayf. Et le Cheikh il dit wa hamliha ay wujub hamliha, c'est-à-dire c'est obligatoire de prendre ces versets-là ala haqiqatiha al-la'iqati billahi, c'est-à-dire de prendre ces versets et ces hadiths qui parlent des noms et des attributs d'Allah dans leur sens réel. C'est pas symbolique, c'est pas allégorique, hein, c'est pas majazi comme il dit, c'est haqiqi, c'est une réalité ces attributs-là et ces noms-là. Quand Allah parle de lui-même, c'est des réalités. Et il dit la preuve de ça, c'est dans les versets 3 dans sourate Az-Zukhruf dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit inna ja'alnahu qur'anan arabiyan la'allakum ta'qilun, nous l'avons rendu un Coran arabe, c'est un Coran arabe pour que vous puissiez réfléchir. Donc on l'a mis dans la langue arabe pour que vous puissiez le comprendre, un arabe clair, na'am bilisan arabi mubin, hein. Et dans un autre verset, il mentionne le verset 3 dans sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, et suivez ce qui a été révélé pour vous de votre Seigneur, wa la tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas en dehors de cela d'autres alliés, qalilan ma tadhakkarun, hein, comme peu vous vous souvenez. Donc il nous ordonne ici de suivre la compréhension de ce que nous comprenons selon ce qu'implique la langue arabe, hein, c'est pas autre chose, c'est pas quelqu'un qui va prendre une traduction des sens du Coran en français puis qui va se baser sur cette traduction pour faire l'explication ou l'interprétation comme certains par exemple dans certains pays non musulmans ou bien musulmans parfois qui sont non arabes, ils se basent sur des traductions pour faire le tafsir du Coran. Et ça c'est de l'égarement. Ça c'est de l'égarement parce que le mot que tu vas expliquer en français ou en anglais ou en une autre langue en créole ou autre, c'est pas nécessairement le vrai terme que Allah a employé dans le verset en arabe. Donc si tu te bases sur cette traduction, peut-être même c'est une déformation, hein, que tu vas faire du sens. Et j'ai vu malheureusement des gens comme ça, hein, ils prennent des traductions comme ça, puis ils se basent sur les traductions, puis ils font le tafsir de la traduction. Et ils déforment encore plus le sens. Donc le tafsir du Coran, il se fait à partir de la langue arabe et non pas à partir d'une langue, d'une deuxième langue ou d'une troisième langue. Sinon tu vas faire la traduction d'une traduction, l'interprétation d'une traduction, et tu t'éloignes même du sens réel de ce que Allah dit. Donc beaucoup de gens comme ça dans les pays, des gens par exemple qui étaient des pasteurs, j'ai vu ça en Haïti par exemple, des gens qui étaient des pasteurs avant l'islam, puis qu'ils ont découvert l'islam, ils sont devenus musulmans, automatiquement ils sont devenus imams. Ils sont devenus imams, automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pasteurs avant, et les pasteurs chrétiens dans les églises là, ils pensent qu'ils sont ils sont inspirés de Dieu, hein, ils pensent qu'ils se prennent pour des prophètes. Donc quand ils parlent, des fois tu les vois, ils rentrent en transe ou en extase là, ils pensent qu'ils sont, hein, ils sont ils pensent qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, comme ils disent, alors que ça n'a rien à voir, c'est le shaitan qui les a remplis. J'ai vu même un reportage l'autre jour, un petit enfant en Amérique du Sud, je pense qu'il a peut-être même pas 10 ans, hein, et puis il se met devant les gens, il commence à prêcher. Et tous les gens dans la salle, ils lèvent les mains, puis ils sont tous, hein, alléluia, ils sont contents. Et le petit garçon, il ne fait que répéter des n'importe quoi. Hein, mais parce qu'il se met dans un état d'énervement, là, comme quand il parle, les gens ils disent, ah, ça, c'est là, ça veut dire qu'il est inspiré, c'est Dieu qui l'inspire, l'Esprit Saint est avec lui, hein. Et il commence à faire des drôles de mouvements, il saute, il tourne, il fait des réactions, comme si, hein, ils disent, ah, c'est le soul, hein, il a le, hein, c'est son âme qui est prise par l'Esprit Saint ou je sais pas quoi. Oui, ça c'est le shaitan, surtout. Parce que ces gens-là, dans cet état-là, ils disent n'importe quoi et ils contredisent la vérité. Donc, juste pour clarifier, ces pasteurs-là, s'ils deviennent musulmans, ils doivent commencer par apprendre l'islam avant de vouloir être imam. Au moins apprendre le Coran, apprendre la sunna, étudier, hein, la aqida de l'islam, étudier, hein, l'arabe, savoir au moins comment comprendre le Coran et la sunna dans les langues d'origine. Maintenant, il y a des traductions du Coran en créole. Et ils font le tafsir maintenant de ces traductions-là. Et ils lisent, ils font leur propre traduction du Coran en créole. Ils traduisent ça à partir du français. Donc, ils traduisent le français en créole. Yani, subhanallah, ça devient une signification, surtout que c'est des pasteurs, donc ils se basent sur qu'est-ce qu'ils ont compris de la Bible. Parfois ils font des interprétations du Coran selon la Bible aussi, donc ils déforment encore plus le sens. Et puis tu vois que par la suite, quand tu viens pour les corriger ou pour les réfuter ou pour montrer l'erreur qu'ils ont fait, hein, leur donner le conseil, ils s'enflent d'orgueil. Et si tu leur cites les paroles des savants de l'islam, qu'est-ce que les ulama ont dit sur l'explication des versets, ils commencent à insulter les savants, insulter les ulama, dénigrer les ulama, et ils veulent s'élever au-dessus d'eux. Donc tout ça c'est de l'arrogance, hein, de l'égarement. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Et le problème aussi, c'est que c'est des gens qui sont tellement loin de l'islam, des musulmans et des pays musulmans aussi, ils sont isolés parfois. Donc ils ont un petit groupe de gens qui les suivent, et ils deviennent même parfois fanatiques, hein. Ils font que les gens les suivent aveuglément, yani. Donc si après tu les critiques, les gens ils te voient comme un ennemi, puis après ils disent, ah ben tu parles contre notre imam, t'es un égaré. Et donc c'est pour ça que c'est de l'ignorance là, c'est très dangereux ces choses là. Donc quand on dit le Coran c'est un livre, Allah il le dit lui-même, بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. Donc le livre est révélé en arabe, donc il faut le comprendre en arabe. Comment les chrétiens, beaucoup d'entre eux sont égarés, c'est parce que justement ils ont pris le livre qu'ils ont, ils l'ont interprété n'importe comment en se basant sur leur traduction dans les différentes langues. Et là, le sens en anglais c'est pas le même que le sens en français, puis le sens en français, puis en autre langue, c'est chaque langue est différente. Et donc à la fin c'est devenu un jouet dans la main des gens. Les gens ils font qu'est-ce qu'ils veulent avec le texte, ils jouent avec. في شرح الأسماء والصفات يعني أعرف أن الشيخ ابن عثيمين له كتاب اسمه القواعد المثلى. القواعد المثلى هذا كتاب جيد وله شرح. هذا الكتاب شرحه بنفسه. Donc il a écrit, et Cheikh Ibn Uthaymeen, un livre qui s'appelle Al-Qawa'id al-Muthla. C'est les règles à propos de la foi en Allah, en ses noms et en ses attributs. Et dedans, il a écrit même son propre sharh de son livre. Et il explique dedans la signification des noms et des attributs d'Allah. Aussi, il y a le livre de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr. Abdurrazzaq al-Badr. Il explique dedans les noms et les attributs d'Allah. Le nom de ce livre s'appelle Fiqh al-Asma al-Husna. Je crois que c'est ça. Fiqh al-Asma al-Husna. Il est disponible en PDF sur Internet. Et il y a le Mukhtasar de ce livre-là. Il y a le Mukhtasar aussi, qui est tout petit, un petit livre. Peut-être qu'on va le faire, Inch'Allah. Wa'ayakum, Inch'Allah. Donc il explique chaque nom parmi les noms d'Allah, puis il donne une petite explication avec les versets, chaque verset qui se rattache à chaque nom, et chaque preuve par rapport à chaque nom. Oui, c'est vraiment bénéfique. Wa fiik barak, inshallah. Ensuite, le cheikh il dit, il y a une autre preuve qu'il a mentionnée. Il dit, لأن الله تعالى قال إن جعلناه قرآنا عربيا إذن الدليل على وجوب إجرائها على ظاهرها هاتان الآيتان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, suivez ce qui a été révélé pour vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de celui-ci, et comme vous vous souvenez peu. Donc il nous ordonne de le suivre selon la compréhension qui y en est du texte. Comment on le comprend? En arabe, selon ce qui est impliqué par la langue arabe. Et Allah, il dit qu'il l'a révélé en langue arabe. Donc ça veut dire qu'il faut le prendre dans son sens apparent, dans la langue arabe. Ok? Il dit ensuite que ça s'est trouvé donc, dans le Coran et dans la Sunna, que la signification que nous devons comprendre, de ce que signifient les noms et les attributs, et le texte de la révélation en général, c'est selon les sens de la langue arabe, et donc on est obligé de le suivre. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يعني عَلَى عَلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اسْتَوَى عَلَى كَذَا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِمَعْنَى عَلَى عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا إلى آخر الآية فدل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن في آية أخرى واستوت على الجودي فهذه كلها في معنى اللغوي للكلمة كلمة استوى أو لفعل استوى فخذ به ولا تحزن لأن هذا هو الذي أمرك الله به اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولهذا قال نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة في ذلك على ظاهرها. Donc le cheikh dit la preuve, hein, un exemple de ça, un exemple de qu'est-ce qu'on explique par rapport à la signification du Coran et de prendre son sens apparent selon la langue arabe, c'est le verset ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hadid le verset 4, hein, puis il s'est élevé sur le trône. Istawa, ça veut dire s'élever, comme il le dit ici. Et le cheikh dit la preuve que istawa, hein, si tu dis en arabe istawa ala kaza, s'élever sur quelque chose. En arabe, là, dans la langue arabe, cela signifie s'élever sur quelque chose. Ala ala alayhi, ala alayhi. Donc la preuve de ça, c'est que dans d'autres versets du Coran, dans d'autres contextes que la tribu d'Allah, hein, le terme istawa, il est employé et c'est toujours dans ce sens-là, dans le sens de s'élever au-dessus de quelque chose ou de monter au-dessus de quelque chose. Et l'exemple du verset que le cheikh il a cité deux versets, le verset 12 dans surat al-Mu'minun, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. Hein? Donc quand tu auras monté toi ainsi que ceux qui sont avec toi sur le bateau, hein, donc ça implique de monter, de s'élever. Et dans l'autre verset, dans sourate Az-Zukhruf, le verset 12 et 13, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, hein, il vous a donné des bateaux et des animaux, ce que vous pouvez monter pour que vous éleviez au-dessus, sur leur dos, hein, et que vous vous souveniez de la grâce de votre Seigneur lorsque vous montez sur elle et que vous dites yani subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Donc ça veut dire que le terme istawa, il est employé ici istawaita litastawu idha stawaitum. Donc dans tous ces versets là, il est employé dans le sens de ala, c'est-à-dire de monter ou de s'élever sur quelque chose. Et donc, ça c'est la preuve que le terme istawa, quand on dit que Allah s'est élevé, ça veut dire s'élever, ça ne veut pas dire autre chose. Parce que les gens de Bid'a, parmi les Asha'ira et autres, eux, ils disent istawa, ça veut dire istawla, c'est-à-dire prendre le pouvoir ou prendre le contrôle ou conquérir. Et on sait très bien que ça c'est une déformation du sens réel de qu'est-ce que signifie istawa, et c'est contraire à la définition du verbe en arabe, en particulier lorsqu'on l'emploie avec ala, istawa ala. Alors quand on l'utilise avec ala, ça peut pas vouloir dire autre chose que être au-dessus ou s'élever. Et le cheikh il dit فما دل عليه القرآن بمقتضى اللغة العربية بمقتضى اللغة العربية فخذ به ولا تحزن. Donc ce qui est établi dans le Coran selon ce qu'implique la langue arabe, alors prends-le et ne sois pas triste, parce que c'est ce que Allah t'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala il dit suis ce qui a été révélé de ton Seigneur. Et c'est pourquoi le cheikh il a dit, et nous voyons donc l'obligation de prendre les textes qui sont révélés dans le Coran, dans la Sunna, dans leur sens apparent. Il dit وقوله وحملها على حقيقتها وهذا من إتمام إجرائها على ظاهرها أن نحملها على حقيقتها ولكن قال اللائقة بالله وهذا يعني محط الفائدة يعني لا على ظاهرها المماثل للمخلوق بل نرى حملها على ظاهرها اللائق بالله. Donc le cheikh il dit, et quand on dit qu'on le prend dans le sens réel, eh bien ça c'est pour compléter la phrase quand le cheikh il a dit de prendre les versets dans leur sens apparent. On le prend dans le sens apparent, mais dans le sens apparent et dans le sens réel qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa perfection et à sa majesté et à sa grandeur. Donc, ça veut dire quoi? Le point bénéfique ici, c'est que on doit prendre les versets qui parlent d'Allah et de ses attributs et de ses noms dans leur sens apparent, mais c'est pas le sens apparent qui implique une ressemblance ou une ressemblance entre ou une comparaison entre le Créateur et la créature. Non, on le prend dans le sens apparent qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui convient à sa grandeur et à sa perfection, et que rien ne lui ressemble. Et il dit وَلِهَذَا لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلْ معنى استوى الله على العرش معنى استوى الله على العرش على عليه كما يعلو أحدنا على الكرسي فقل له لا لأنك لو فسرتها بهذا التفسير لفسرتها على الوجه الذي لا يليق بالله لأن الله تعالى قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que si quelqu'un dirait, parce que c'est ça qu'on expliquait dans les cours précédents, qu'on ne doit pas faire de tamthil, on ne doit pas faire de tashbih, on ne doit pas faire de ressemblance entre le créateur et la créature. Et donc, si quelqu'un, l'imam Ahmad il a dit, si quelqu'un dit, Allah il a une main comme ma main, alors dans ce cas-là il est mushrik. Il a fait le tamthil. Si quelqu'un dit Allah a une main comme ma main, alors il a fait le tamthil. Dans ce cas-là, il est kafir, il est mushrik. Hein? De même que si quelqu'un dit Allah s'élève sur son trône comme moi, je m'élève sur le mimbar. Hein? Alors ça, il est kafir, mushrik. Parce qu'il a fait une ressemblance, une comparaison entre Allah et sa créature. Donc comment, si nous on nie toutes les ressemblances entre Allah et le Créateur et la créature, comment ces gens-là peuvent prétendre, par exemple les Ahbash ou les Asha'ira, prétendre que les Salafiyoun, les gens qui suivent la voie des Salafs, sont des Mushabbiha, ou bien sont des anthropomorphistes, comme ils le disent. Ils disent, vous les Wahhabiya, vous êtes des Mushabbiha, vous êtes des Mumathila. Ou bien vous êtes des anthropomorphistes. Et j'écoutais en fin de semaine, pendant la semaine, j'écoutais Cheikh Mohamed Aman Al-Jami dans son explication du livre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Risala Al-Tadmouriya. Et dedans, il expliquait à un moment donné justement pourquoi ces gens-là ont inventé ce mensonge contre les gens de la sunna. Pourquoi ils ont inventé le mensonge à propos des salafis et des gens de la sunna que nous on est des anthropomorphistes ou des mushabbiha? Et ils disaient que c'est à cause, en grande partie à cause d'un homme qui s'appelait Ibn Battuta. Ibn Battuta, c'est un voyageur, un grand voyageur, hein, un soufi, un voyageur, non, soufi, un voyageur. Hein. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait d'un pays à l'autre, et dans chaque pays où il allait, il écrivait les choses qui lui étaient arrivées. Donc il a fait comme une genre de chronique dans laquelle il relate toutes les aventures qu'il a eues dans les différents pays où il est allé, dans les différentes contrées, comme un explorateur. Hein? Et bon, il est allé dans plein de pays, et dans l'Asie, dans le Moyen-Orient, dans d'autres pays comme ça. Chaque fois qu'il arrivait quelque part, il décrivait un petit peu qu'est-ce qui lui arrivait, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a rencontré. Et quand il est arrivé, il dit, je suis arrivé à Damas. Et il dit, j'ai vu dans la mosquée, un homme qui s'appelait Ibn Taymiyyah. Et il a dit, il était assis sur le mimbar. Et il a dit, Allah, il descend de son mimbar comme moi, Allah, il descend de son trône comme moi, je descends. Ou bien, il a dit, Ibn Taymiyyah a dit que Allah descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, comme moi je descends du mimbar. Puis là, il a descendu du mimbar. Donc, il se base sur cette parole de Ibn Battuta dans son livre pour attribuer cette parole à Ibn Taymiyyah et pour dire qu'il a fait le tashbih et pour dire donc par conséquent qu'il est kafir, hein, Et pour dire par conséquent que les salafiyoun et les gens qui suivent la sunna, hein, que eux ils appellent les wahhabiyas, sont des kuffars à cause de ça. Et alhamdulillah rabbil alamin, on sait très bien que cette parole-là elle est fausse. Et que qu'est-ce qu'il a attribué à Ibn Taymiyyah, c'est une grande calomnie et un grand mensonge, parce que Ibn Taymiyyah et tous les grands ulama des salafs, ils font le takfir de celui qui dit ça, qui dirait une chose pareille. Quiconque dit Allah descend comme moi je descends du minbar, ça c'est une forme de tashbih, une forme de tamthil, et ça c'est du shirk, c'est du kufr, hein. Quelqu'un qui dit ça, il n'est pas musulman. D'accord? Et en même temps, on a une preuve que Ibn Battuta, c'était un grand menteur, un grand calomniateur. Oui, je crois que c'est un arabe. Mais en tout cas, pourquoi on a la preuve qu'il est menteur? C'est parce qu'à l'époque où il dit être en Syrie, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, était emprisonné dans la forteresse de Damas. Et il est mort en prison. Hein? Il est resté là-bas jusqu'à sa mort. Comment aurait-il pu être sur le minbar et dire cette parole de kufr alors qu'il n'était même pas là? Hein? Il était emprisonné. Et non seulement ça, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans tous ses livres, que ce soit Al-Aqidat al-Wasitiyya, Risalat al-Tadmouriyya, ou bien Al-Hamawiyya, et dans les autres livres qu'il a écrits, il réfute ces propos-là, hein, que Ibn Battuta lui a attribué, il le nie et il déclare que ceux qui disent cette parole sont des koufars et des mouchriquins. Donc comment il aurait pu prononcer ou dire ce genre de choses? Donc ça c'est la preuve que les gens qui attaquent la voix des salafs et qui attaquent la sunna et la voix d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, hein, parmi ces gens-là, c'est des menteurs. C'est des gens qui inventent des mensonges et qui se basent sur des récits mensongers comme le livre de Ibn Battuta, hein, par exemple. Donc, il ne faut pas se laisser tromper par ces gens de mensonges-là, ces gens de menteurs. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit, cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, si quelqu'un te disait que quand Allah dit qu'il s'est élevé au-dessus du trône, Istawa Allah ala al-arsh, hein, que ça voudrait dire il s'est élevé au-dessus, de la même manière que l'un de nous s'élève sur une chaise, on dirait non, on ne peut pas dire ça et on ne peut pas accepter cette interprétation là. Pourquoi? Parce que le cheikh il a mentionné comme condition que dans son sens réel doit être en accord avec ce qui est ce qui convient à Allah. Ce qui convient à Allah. Et lorsque tu as fait cette comparaison entre le Créateur et la créature, eh bien dans ce cas-là, tu as fait sortir cet attribut de ce qui convient à Allah, parce que tu as fait une ressemblance entre le Créateur et la créature et une comparaison entre les deux, et tu as fait ressembler Allah à sa créature. Alors que Allah dit dans le verset 11 dans Sourate Shura, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc il n'est pas permis, hein, d'interpréter al-istiwa et de dire ça veut dire monter au-dessus d'une chose de la même manière que l'un d'entre nous, par exemple, monte sur une chaise ou sur un trône ou sur quelque chose de ce genre. Parce que ça c'est du shirk et du kufr, hein, et c'est du tamthil. Et le shaykh il dit wal-ajabu أن المعطلة والمحرفة يقولون إن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة ظاهرها التمثيل فيجب أن تصرف عن ظاهرها لأن التمثيل ممتنع وهذا ليس بصحيح أي أن ظاهر الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة التمثيل لأن الله تعالى لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول نشترك فيها أو تشترك فيها الموصوفات بل ذكر صفة مضافة إلى الله والصفة تتبع الموصوف فإذا قيل يد إنسان لم يفهم أحد إلا اليد الإنسانية وإذا قيل يد جمل فلا يفهم أحد أنها كيد الإنسان فالصفات التي أضافها الله الصفات التي أضافها الله أضافها إلى نفسه ولم يذكر صفة مطلقة حتى تقول تشترك فيها جميع الموصوفات لكنه ذكرها صفة مقيدة وعلى هذا فلن يكون ظاهرها التمثيل إذن وجوب إجرائها على ظاهرها حملها على الحقيقة اللائقة بالله لا المماثلة للمخلوق. Donc le cheikh il explique ici, il dit que qu'est-ce qui est étonnant de la part des gens qui nient les attributs ou qui veulent déformer le sens des attributs, comme par exemple ceux qui disent la main ça veut dire la grâce, ou la main ça veut dire la force, ça veut pas dire une main, ou bien que Allah s'est élevé sur le trône, ça veut dire que il a pris le contrôle du trône et non pas qu'il s'est élevé au-dessus d'une manière qui lui convient. Hein, ces gens-là, eux, ils disent quoi? Ils disent que le sens apparent des textes à propos des noms et des attributs d'Allah n'est pas voulu. C'est-à-dire qu'ils disent que le sens apparent des textes du Coran et de la Sunna, lorsque Allah mentionne ses attributs et ses noms, ils disent ça, ce sens-là, il n'est pas voulu. Ils disent parce que le sens apparent de ces textes-là implique une ressemblance. Et donc, il est obligatoire de les faire sortir de leur sens apparent. Parce que sinon, ça implique une ressemblance entre le Créateur et la créature, et la ressemblance est interdite. Et le cheikh, il dit, ça c'est faux. C'est incorrect de dire ça. De dire ou de penser que le sens apparent des textes du Coran et de la Sunna, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, de dire ou de penser que le sens apparent des textes implique une ressemblance avec Allah, entre Allah et sa créature, ça c'est un mensonge et c'est une fausseté. Et la raison de ça, comme le cheikh il explique, c'est que lorsque un attribut est mentionné, de dire que le sens apparent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, que ça c'est des ressemblances entre le Créateur et la créature, ça c'est faux, parce que Allah il ne mentionne pas un attribut absolu. Allah subhanahu wa ta'ala il ne mentionne pas un attribut. Bonjour. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bon, ça fait plaisir, Jean-Louis. Ok. Oui, je me rappelle. Ça va bien? Vous voulez une chaise ou bien vous voulez vous asseoir par terre? Ok, d'accord. Bon, parfait. Donc. Ok. Donc, le cheikh, il explique ici que. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les attributs, il les mentionne pas de façon absolue. Il mentionne chaque attribut rattaché à la chose à laquelle il est attribué. Par exemple, il dit, si on dit la main d'Allah, comme il mentionne dans le Coran qu'il a une main, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois quand il jure, il dit, par celui qui tient mon âme en sa main. Ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main. Et quand on dit la main d'Allah, eh bien, ça implique que cette main-là, elle est une main qui convient à Allah et qui est parfaite. Et quand on dit, par exemple, la main d'un être humain ou d'un homme, eh bien, ça implique que c'est une main d'être humain, une main humaine. Tandis que la main d'Allah, c'est une main divine, une main parfaite. Elle n'est pas comparable à la main de l'homme. De même que si on dit en arabe Yadul Jamal, la patte d'un chameau, eh bien, il y a une différence entre la patte d'un chameau et la main d'un être humain. On ne va pas faire de comparaison ou d'imitation ou de comparaison entre les deux. Donc, il faut comprendre la différence entre l'attribut dans son sens absolu, comme si je dis par exemple une main. Mais quand je dis une main comme ça, de façon absolue, c'est une chose abstraite. Parce qu'elle n'a pas été attribuée à quoi que ce soit. Hein? Donc si je te dis, imagine une main dans ta tête, tu peux imaginer n'importe quelle sorte de main. Hein? Mais si je te dis, la main d'Allah, là tu sais tout de suite que c'est une main qui est spécifique et particulière. Et si je te dis la main d'un homme, tu sais que c'est une main spécifique et particulière. Si je te dis la patte d'un animal, tu sais que, ou la main d'un singe, tu sais que c'est une main qui est spécifique et particulière. La main d'un singe, elle n'est pas comme la main d'un être humain. Hein? Donc, il faut comprendre que, une fois que l'attribut a été relié ou attribué à la chose à laquelle elle appartient, elle n'est plus générale, elle est spécifique. Elle n'est plus dans son sens absolu, elle est dans son sens spécifique. Donc, il n'y a pas de ressemblance impliquée dans cette attribution-là. Il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Le Créateur, il a une main qui lui convient et la créature a une main qui lui convient. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Et c'est ça qu'il faut comprendre ici. Et donc, la parole de ceux qui prétendent que le sens apparent de ce qui est mentionné dans la révélation, le Coran et la Sunna, implique une ressemblance et qu'il faut nier le sens apparent à cause de ça, ça c'est une des plus grandes formes de mensonge et d'égarement. Il dit donc que lorsqu'on dit qu'il est obligatoire de prendre les versets dans leur sens apparent, de ce qui est révélé dans la révélation, et de les prendre dans leur sens réel, qui conviennent à Allah, eh bien ça implique qu'il n'y a pas de comparaison ou de ressemblance entre le Créateur et la créature. D'accord? Et donc ça doit être clair, et on doit bien le comprendre. وَنَتَبَرَّأْ مِنْ طُرُقِ الْمُحَرِّفِينَ لَهَا الَّذِينَ صَرَّفُوهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ. C'est-à-dire, et nous nous désavouons de la voix des déformateurs, de ceux qui cherchent à déformer le sens des noms et des attributs d'Allah pour leur donner une signification qui n'a pas été voulue ni par Allah ni par son messager. D'accord? Donc, la voix des gens de Bid'ah qui veulent déformer le sens des attributs. Ils disent non, la main d'Allah c'est pas une main. On va dire que c'est la puissance ou que c'est la grâce. Pourquoi? Parce que ils veulent s'imaginer une main humaine. Quand ils parlent de la main d'Allah, ils s'imaginent une main humaine. Alors à cause de ça, ils disent il ne faut pas l'attribuer à Allah et il faut déformer son sens pour lui donner un autre sens. Pour éviter de faire la ressemblance entre le Créateur et la créature, donc ils disent, la main signifie la puissance, la main signifie la force, la main signifie la grâce. Et il n'y a aucune preuve pour établir cette interprétation-là. C'est une déformation de la réalité de ce que Allah a dit. Si Allah voulait dire sa puissance, il aurait dit puissance, il n'aurait pas dit la main. Si Allah aurait voulu dire la grâce, il aurait dit grâce, il n'aurait pas dit la main. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait comment parler de lui-même. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il sait comment parler d'Allah. Et donc s'il voulait dire quelque chose, il l'aurait dit. Il ne va pas utiliser un autre terme pour le dire. Et ça veut dire que le fait que Allah ait employé ces attributs-là et ces termes-là, eh bien ça n'implique pas du tout de ressemblance ou de comparaison entre le Créateur et la créature. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il faut ne pas faire sortir les attributs du sens que Allah a voulu ainsi que son messager. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, il explique ce point-là en disant, وَلِهَذَا قَالَ نَتَبَرَّأُ مِنْ طَرِيقِ الْمُحَرِّفِينَ لَهَا الَّذِينَ صَرَفُهَا إِلَى غَيْرِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم نتبرأ بقلوبنا وألسنتنا وسلوكنا من طريق هؤلاء الذين صرفوها إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك قال الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش قلنا استوى على العرش يعني على عليه وهل هو كعلو الإنسان على السرير الجواب لا لأن هذا لا يليق بالله بل على عليه علوا يليق به عز وجل فإن قال قائل استوى عليه أي استولى عليه فهؤلاء نتبرأ من طريقتهم ونرى أنهم على ضلال لأنهم صرفوا ذلك إلى غير ما أراد الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم وإذا قيل ما دليلكم على أن الله تعالى أراد بقوله استوى على العرش أي على عليه أن لا يجوز أن يكون مراد الله استولى عليه فالجواب لا يجوز لأنه لو جاز ذلك لكان تعالى لم يجعل القرآن تبيانا ولم يجعله فرقانا إذ إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يقتضي أن معنى قوله استوى على العرش على عليه لا غير فالذين قالوا استولى عليه صرفوه إلى غير ما أراد الله ونشهد بذلك شهادة عند الله عز وجل أنهم صرفوه إلى غير ما أراد الله ونشهد أن الله لم يرد بقوله استوى استولى Donc ici le cheikh il explique que on se désavoue donc avec notre cœur, avec notre langue et par notre conduite de la méthode et de la voix de ceux qui déforment le sens des attributs d'Allah pour leur donner un sens que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas voulu. Et un exemple de cela, c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 54 dans sourate Al-A'raf, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis il s'est élevé sur le trône. Donc quand on dit il s'est élevé sur le trône, cela signifie qu'il est monté au-dessus du trône, il s'est élevé au-dessus. Et est-ce qu'on va dire qu'il s'est élevé sur le trône de la même manière que l'un d'entre nous s'élève sur un sofa ou sur un divan? La réponse, non. Pourquoi? Parce que cela ne convient pas à Allah. Mais nous disons plutôt, il s'est élevé sur le trône d'une élévation qui lui convient. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire d'une façon qui convient à sa majesté, à sa grandeur et à sa perfection. Et il dit, et si quelqu'un nous disait que lorsqu'il dit qu'il s'est élevé sur le trône, cela signifie qu'il a conquis le trône, qu'il a pris le pouvoir du trône. Eh bien, nous nous désavouons de ceux-là et de leur méthode. Pourquoi? Nous considérons que cela est de l'égarement parce qu'ils ont déformé le sens de ce que Allah a dit pour un sens que Allah et son messager n'ont pas voulu. Et le cheikh dit, et si on leur dit, et si on te demande, quelle est votre preuve que Allah a voulu par le fait de dire qu'il s'est élevé sur le trône, istawa ala al-arsh, qu'il est monté au-dessus? Quelle est la preuve de ça? N'est-il pas permis ou n'est-il pas possible qu'il ait voulu par cela plutôt dire qu'il a pris le pouvoir du trône ou qu'il a conquis le trône? Et la réponse, le cheikh il dit non, cela n'est pas permis et cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si cela aurait été permis, eh bien ça veut dire que le Coran n'aurait pas été clair. Et cela, ça veut dire que le Coran n'aurait pas été un discernement. Ça veut dire qu'on pourrait donner à n'importe quel mot dans le Coran le sens qu'on veut, selon nos désirs et nos passions, et qu'on ne prend pas ce que Allah a dit à propos de ce qu'il a voulu dire dans la révélation selon la langue arabe. C'est pour ça que le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran dans une langue arabe. Et ça implique que lorsqu'on lit le texte de la révélation du Coran, on doit le prendre dans le sens de la langue dans laquelle il a été révélé. Et c'est ça, comme on disait tout à l'heure, comment beaucoup de gens, parmi les chrétiens, parmi les chrétiens des différentes tendances, comment ils sont et ils se sont éloignés de la réalité de la révélation et de ce qui est mentionné dans leur livre, parce qu'ils ne retournent jamais à la langue d'origine dans laquelle le texte qu'ils suivent a été révélé. Combien de chrétiens tu connais parmi les gens que tu connais qui savent lire l'hébreu, ou qui savent lire l'araméen, ou qui savent lire le grec, ou qui savent lire les langues d'origine du texte qu'ils sont en train de lire? Plutôt, ils lisent leurs livres dans des langues traduites et ils l'interprètent dans la langue qui a été, dans lesquelles ces livres-là ont été traduits, et à cause de ça, ils tombent dans plein d'égarements et de déformations des sens, parce que d'une traduction à l'autre, hein, on dit, celui qui traduit, il trahit. Celui qui traduit, il trahit. Pourquoi? Parce que ça passe à travers son esprit. Et parfois, le sens d'une langue, il n'est pas traduisible d'une langue à l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas le traduire tel quel. Il faut que tu l'expliques. Hein? Parce que des fois, c'est des expressions. Il y a des mots qui existent dans des langues qui n'existent pas dans d'autres. Et si tu me demandes de te le traduire, je ne pourrais pas te trouver un équivalent. Pourquoi? Parce que déjà même dans la mentalité de cette langue, cette idée-là, elle n'existe même pas dans l'autre. Alors, je suis obligé de faire des analogies et des rapprochements, de donner des explications, des exemples pour essayer de te faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement. Il y a des expressions, par exemple, même on dit des phrases qui sont, en anglais on dit idiomatiques. Je ne sais pas comment, si c'est l'expression exacte, mais c'est-à-dire que c'est des choses que si tu le traduis littéralement, tu vas trouver que ça n'a pas de sens. Si je te donne une phrase et si je te la traduis telle quelle, tu vas dire, mais ça fait pas de sens. Pourquoi? Parce que c'est pas le sens apparent, il n'est pas voulu dans ces phrases-là, par exemple. Hein? Et ça existe dans l'anglais, dans le français, dans plein d'autres langues. Et dans les langues, dans l'arabe et dans l'hébreu, il y a des exemples comme ça aussi. Mais il faut l'expliquer qu'est-ce qu'il signifie dans cette langue-là. Et quand tu traduis d'une langue à l'autre, parfois tu vas déformer le sens. Surtout si la personne qui traduit, elle a déjà dans sa compréhension ou dans sa croyance des déviations, des erreurs, des égarements, des hérésies, des faussetés. Donc elle va essayer de tordre le cou des paroles, hein, pour faire aller le verset ou le hadith ou la parole du prophète dans le sens de son désir, dans le sens de sa passion, et non pas dans la réalité de ce qui est révélé. Hein? C'est pour ça que tu trouves, par exemple, les Bibles chez les chrétiens, différentes Bibles. La Bible des protestants, c'est pas la même que la Bible des catholiques. La Bible des témoins de Jéhovah, c'est pas la même que la Bible des catholiques et des protestants. Chaque groupe, ils ont leur propre Bible. Et leur propre traduction en plus. Hein? Leur propre traduction, parce que les protestants, ils acceptent pas la traduction des catholiques. Parce qu'ils sont pas d'accord avec les croyances catholiques. Et les catholiques ne sont pas d'accord avec les croyances des protestants, alors ils n'ont pas la même traduction non plus que la traduction des protestants. Dans la Bible catholique, il y a à peu près 14 livres. Dans la Bible catholique, il y a 14 livres que les protestants n'acceptent pas comme étant des livres révélés. Ils ne les considèrent pas comme étant des livres révélés par Dieu. Donc dans leur Bible, à eux, ils les ont enlevés, ces 14 livres-là. C'est-à-dire que déjà le livre à la base pour eux, ils sont pas d'accord dessus. Hein? Et ça, c'est, on parle pas des textes d'origine seulement, mais des textes qu'ils lisent. Eux, ils lisent la traduction comme étant là le livre révélé. C'est-à-dire, non seulement qu'il est falsifié, mais en plus, ils croient que la traduction qu'ils lisent, c'est ça la parole de Dieu. Alors qu'on sait que la traduction, c'est pas là. Le texte d'origine, c'est pas la même chose. Donc ici, le cheikh, il explique ça dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? C'est que le texte, quand on parle du Coran, le Coran, c'est pas la traduction qu'on lit, mais c'est le texte arabe. La traduction, c'est pas la traduction du texte, c'est la traduction de l'interprétation du texte. Et ça, c'est ça la différence. Donc, quand on lit la traduction, on ne lit pas la traduction du texte du Coran, on lit la traduction de l'explication du Coran. Et celui qui l'a expliqué ou interprété, si sa compréhension était incorrecte, il va le traduire incorrectement. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la langue d'origine déjà et à la compréhension des salafus salih, la compréhension des premières générations et non pas la compréhension de ceux qui sont venus après et qui ont déformé justement le sens de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire. Et donc, dans la langue arabe, il n'y a rien dans la langue arabe qui prouve ou qui justifierait le fait de dire que istawa ala al-arsh signifie de prendre le contrôle ou le pouvoir sur le trône. Puisque dans la langue arabe, on a expliqué que le verbe istawa ala, ça veut dire de s'élever et de monter au-dessus de quelque chose. Et non pas de conquérir ou de prendre le pouvoir d'une chose. Et est-ce que avant que Allah s'élève sur le trône, il y avait quelqu'un dessus pour que Allah ait besoin de le conquérir? Ou pour que Allah ait besoin de prendre son contrôle? Est-ce que quelqu'un d'autre que Allah avait le contrôle du trône avant lui? Ça, c'est un blasphème encore plus grand que ces gens-là essaient de prétendre. Donc le cheikh il dit فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ هَذِهِ الشَّهَدَةُ عَظِيمَةٌ كَيْفَ تَجْزِمُ بِهَا. Donc le cheikh il dit, nous on témoigne de ça devant Allah, que la signification de ce que Allah a dit lorsqu'il dit qu'il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il est monté au-dessus, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus, et on en témoigne d'un témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala que c'est ça la signification, et ceux qui l'ont déformé le sens et qui ont essayé de l'interpréter autrement, leur interprétation, ceux qui disent que ça veut dire de conquérir le trône, qu'ils ont déformé le sens vers un sens que Allah et son messager n'ont pas voulu. Et si quelqu'un te dit, oui mais ça c'est un grand témoignage, comment peux-tu être certain de ce témoignage-là? Le cheikh il dit, قُلْتُ أَجْزِمُ بِهَا بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَعَالَى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَقَالَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَأَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن نَتَّبِعَ الْقُرْآنَ عَلَى مَا نَزَلَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَهُوَ نَزَلَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ اسْتَوَى بِمَعْنَى عَلَى فَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أَيْ عَلَى عَلَيْهِ لأنه أمرني أن أتبع ما أنزل عليه ومقتضى اللسان بمقتضى اللسان العربي فنحن نتبرأ من طريق الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وصرفوا المعنى إلى غير ما أراد الله ورسوله مثل الأشاعرة والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم كل هؤلاء محرفون للكلمة عن مواضعه واقعون بما وقعت فيه الأمم من قبلنا. Donc le cheikh il dit, oui, on en témoigne de manière certaine par l'ordre d'Allah, parce que il dit dans le Coran, nous l'avons révélé, un Coran arabe. Donc le livre il est révélé en arabe, et il dit, suivez ce qui a été révélé sur vous ou vers vous. Donc Allah nous ordonne de le suivre dans la langue dans laquelle il a été révélé. Et donc, il a été révélé en langue arabe. Et donc, ça veut dire qu'on doit le prendre dans le sens apparent de cette langue-là. Et quand il dit « istawa », dans la langue arabe, ça ne peut pas vouloir dire autre chose que « ala ». Et donc, nous témoignons que c'est ça que Allah a voulu dire. Lorsqu'il a dit qu'il s'est élevé sur le trône, ça veut dire qu'il s'est élevé sur le trône et il m'a ordonné de suivre ce qui a été révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et selon ce qu'implique le sens des mots dans la langue arabe. Donc, nous devons nous désavouer et nous désavouons effectivement de la voix de ceux qui veulent déformer les mots de leur sens et de leur contexte et qui veulent les détourner vers une autre signification que Allah et son messager n'ont pas voulu. L'exemple de la secte des Asha'ira ou des Mu'tazila ou des Jahmiya qui nient les noms et les attributs d'Allah ou qui les déforment de leur sens apparent, hein, selon leurs désirs et leurs passions, et nous nous désavons de leur voix et de la voix de tous ceux qui suivent, hein, une voix semblable à leur voix. Donc tous ces gens-là sont des gens qui ont déformé les textes et les sens de ce que Allah a dit de leur contexte, et qui sont donc tombés dans ce que ceux qui nous ont précédés parmi les différents peuples ont commis comme faute et comme erreur à ce sujet-là. Et en même temps, un point que je voudrais clarifier en même temps, juste en terminant, c'est que le fait qu'on mentionne par exemple à propos des Asha'ira qu'on dit qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, le Cheikh Ibn Uthaymeen et d'autres également parmi les ulama comme Cheikh Mohamed Aman et autres, ils ont spécifié et clarifié que cela ne signifie pas qu'on est en train de dire à leur sujet qu'ils sont des koufars, hein, parce que plutôt ça signifie qu'ils sont des gens de bid'ah, des gens de l'innovation, et non pas qu'ils sont des koufars. Et hier j'ai fait entendre la parole de Cheikh Mohamed Aman à ce sujet-là. Bon, je vais vous faire entendre encore une fois, juste pour spécifier, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris correctement les paroles des ulama et qui pensent que lorsqu'on critique les Asha'ira en particulier, que lorsqu'on dit qu'ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ils pensent que ça veut dire qu'on les déclare kuffar, hein? Et ça c'est contraire à la réalité. Les Jahmiyyah, les ulama des salaf les ont déclarés kuffar parce qu'ils nient les noms et les attributs au complet. C'est-à-dire ils disent qu'on ne peut pas dire rien à propos d'Allah qu'il a des noms ou des attributs. Ça implique qu'il n'existe pas. Si tu nies tous les noms et les attributs d'Allah, ça implique que tu nies même son existence. Et ça c'est, hein, pour ça que les ulama ils les ont déclarés comme étant des noms musulmans, des noms croyants. Mais en ce qui concerne les Mu'tazila et les Asha'ira, les ulama ils les ont pas déclarés kuffar, hein. Ils les ont déclarés comme étant des gens d'égarement. Et Cheikh Mohamed Aman il expliquait que les ulama ils ont dit à propos des Mu'tazila que eux ils ont nié les attributs, mais ils ont affirmé les noms, contrairement aux Jahmiyyah. Donc ils ont dit, puisqu'ils affirment les noms, ça implique l'affirmation des attributs, parce que les noms renferment des significations, et ces significations là sont des attributs, même si eux ils refusent de les affirmer. Ils disent à propos des, ils disent par exemple inna Allah sami'un bila sam', alimun bila ilm, qadirun bila qudra, azizun bila izza ila akhiri. Ça c'est de la folie, hein, c'est de l'égarement. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant sans puissance, omniscient sans science, voyant sans vue, audient sans ouïe. Ça fait même pas de sens. Tu peux même pas dire ça. Mais eux, ils le disent. Les ulama ont dit, leur affirmation des noms d'Allah implique l'affirmation des attributs. Donc, par conséquent, les ulama les ont pas directement déclarés comme étant des mécréants à cause de ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Tandis que les Asha'ira, eux, ils affirment 7 parmi les attributs, même s'ils refusent d'affirmer les autres. Ils déforment le sens des autres attributs, mais ils en affirment 7. Hein? Donc, encore, ils méritent encore moins d'être déclarés kuffar que les Mu'tazila, puisque les Mu'tazila, eux, ils n'en affirment aucune. Et, bon, je vous fais entendre la parole de Cheikh Mohamed Aman, puis on va s'arrêter avec ça après, Inch'Allah. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'il dit. على أساس أنها عقيدة أهل السنة والجماعة يستصعبون عندما نقول إن الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة، ولكننا نحن نقول وندلل، لا ندعي مجرد دعوة. إذا قلنا خالفوا وجه المخالفة وإذا قلنا وافقوا نبين وجه الموافقة وما وافقوا فيه وهذا هو الإنصاف ولا داعي للغضب كما يظهر من بعض الأسئلة لماذا تسمى الأشاعرة أنهم ليسوا أهل السنة والجماعة ويحسبون أن القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة والحكم عليهم بالكفر وهذا خطأ في التصور فليتأنى هذا المناقش فرق بين أن يقال ليسوا من أهل السنة والجماعة وبين أن يقال إنهم كفار إذا قيل ليسوا من أهل السنة والجماعة معناه إنهم من المبتدعة من الفرق التي خالفت خط السلف وهذا أمر واضح. Oui, donc c'est ça. Cheikh dit une différence entre le fait de dire qu'ils ont contredit la voie des salafs et qu'ils ne sont pas parmi les gens de la sunna et le fait de dire qu'ils sont koufars. Non, un ne veut pas dire l'autre. Donc si on dit d'un groupe ou d'une secte qu'ils sont, par exemple, en dehors de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a, alors ça veut dire qu'ils sont dans la bid'a. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont en dehors de l'islam. C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, on va s'arrêter donc avec ça pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine la suite. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.